Maguen toi janvier, non je sois ta bicyclette, t'es gagné pour faire de l'île n'a pour mener. Mon divan qui t'a vanté, les étoiles vénitiennes, la cigale qui t'a chanté, pêcheur du soir. Bien loin dans mon yon tambour qui t'a frappé. Non, tout de t'a contemplé. Ça vient dans la nature. Ça, c'est la vie de pigeon, c'est vrai, pécé. Mais faut que nous t'allons. Enfin, pour ta cajoui. Tout ta gagne qui gagne. Le roi n'a pas ménage. Mais faut que nous t'allons. Enfin, pour ta cajoui. Tout ta gagne qui gagne. Le roi n'a pas ménage.